je me souviens de leur coup bas. Je rends la main au plus malin, passe au suivant, c'était du vent. Les pacifistes moisis dans les pénitenciers, les terroristes bien ceux qu'on les sont fait valer. L'URSS montre ses fesses à Amnesty, et les nazis vivent au Chili, pas de soucis. De ces moulins que je combats, je me souviens de leur coup bas. Je rends la main au plus malin, passe au suivant, c'était du vent. Passe au suivant, c'était du vent.